22 heures à la pendule de Radio Béton. Cette fois, c'est vraiment pour de vrai l'heure d'entamer la deuxième partie de la petite spé de ce soir. Petite spéciale qu'on se partage avec Sylvain pour vous parler de ces scènes extrêmes venues de pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant dans la scène. Avec tout d'abord un groupe qui nous vient d'Ouganda. Ouais, bah alors là, c'est carrément une première parce que c'est tout simplement le. D'après Metal Archive, le seul groupe de metal venu d'Ouganda qui est actuellement actif. Voilà, vraiment référencé. Donc on n'en a jamais diffusé avant, donc là clairement déjà c'est une première. Donc c'est un groupe qui s'appelle Veil of Ammonition, qui nous fait du Doom, qui est quand même actif depuis 2009, et qui vient de sortir là le 10 janvier son troisième album. Donc déjà un groupe qui commence à avoir une petite carrière sympa. Exactement. Alors on est sur du Doom plutôt classique, hein, aussi bien en termes de durée que de style, hein, 6 titres, 45 minutes, des compos généralement assez longues, un Doom plutôt traditionnel, donc des tempos lents, un résultat plutôt minimaliste, mais en même temps on sent que c'est assez travaillé, notamment vocalement, parce qu'on retrouve aussi bien des lignes claires, plutôt mélodiques, des intonations davantage façon incantation. Voilà, donc il y a forcément un côté... On n'est pas sans parler du paganisme scandinave, du paganisme d'Europe de l'Est un peu à outrance. On a eu récemment des groupes paganes, hein, faut oublier que pagan ça serait tout simplement pas païen, donc c'est juste pas issu de religions monothéistes, d'Asie centrale, etc. Et là du coup on est sur du paganisme abordé, mais d'Afrique subsaharienne. Donc on a forcément tous les rituels religieux venus d'Afrique subsaharienne. Et pour moi, un des groupes références en la matière, c'était Umtakati, qui faisait même du ce qui revendiquait être du death voodoo. Donc voilà, là, on est sur du doom assez ritualistique, mais du coup, ougandais. Exactement. Avec des influences, on va dire, plutôt européennes, puisque ça rappelle un petit peu un groupe comme Candlemass. On est aussi un petit peu sur du cathédral, donc c'est vraiment du doom un petit peu old school, mais qui est quand même assez moderne en termes de sonorité. Et on va s'écouter du coup un extrait, donc c'est une nouveauté pour ce soir, puisque là, les trois groupes africains qu'on présente, c'est des nouveautés. Donc c'est aussi un peu une première pour nous de mettre en avant en même temps trois groupes venus d'Afrique. Et donc, Veil of Ammonition, on va s'écouter le titre Drink the Poetry of the African Wench. Alors, le nom de l'album, faut s'accrocher. C'est Immortalizing the Lugubrious or Dose of Involving Despair. Et bien voilà, c'est parti, Veil of Ammonition. We'll be right back. La suite, toujours dans la petite spé de ce soir, deuxième chapitre consacré là à des formations africaines subsahariennes. On passe à un split sorti en fin d'année 2022 entre Overthrust et Chovu. Overthrust, c'est un groupe que j'ai découvert il y a 3-4 ans peut-être. C'est du death metal, ça nous vient du Botswana. C'est pareil, hein, comme disait Sylvain, concernant l'Ouganda, il n'y a pas énormément de formations metal référencées venant du Botswana. Il y en aurait 6. Voilà. Pour situer un petit peu le groupe et le pays, donc la formation a ses quartiers à Ganzi, en plein cœur du désert du Kalahari, un désert entre guillemets qui occupe 70% du territoire botswanais et qui a cependant, voilà, c'est un espèce de désert avec des zones vertes, avec une végétation abondante et luxuriante, là où s'est installée la vie, forcément. Voilà, actif depuis 2008, c'est pas rien. La formation a déjà foulé le sol européen, notamment en Allemagne, notamment le Wacken. Et voilà, il propose un death assez rugueux, old school dans les influences, et vraiment brutal, hein, dans les références du genre. On peut balancer un Cannibal Corpse, au Broken Hope ou autre Monstrosity. Autant le groupe Veil of Ammonition, on était sur une prod plutôt soignée, autant Overthrust, c'est vraiment super raw. Enfin, franchement, allez checker leurs réseaux sociaux. Ouais, il faut que je parle plus près du micro, sinon vous m'entendez pas, pardon. Allez checker leurs réseaux sociaux, enfin les mecs, ils répètent dans des conditions, tu te dis, mais waouh, en fait, si, ça existe. Et en fait, c'est de là que va vraiment sortir toute l'essence sincère et brutale du groupe. En plus, le groupe a traversé un drame il y a quelques années avec le décès, je crois, par suicide de leur batteur d'origine. Enfin, voilà. Au niveau de l'autre partie du split, on retrouve Chovu. Donc là, on est sur du black metal, dark metal, situé du côté de Nairobi, au Kenya. Alors, c'est pareil, le Kenya, il n'y a pas énormément de formations metal extrême référencées. Bah, y en aurait 8, dont 2 qui sont désormais relocalisés aux US. Donc voilà, pour ceux qui ont l'opportunité de partir. Voilà, Chovu existe depuis plus récemment qu'Overthrust, hein, 2018. On est sur du, selon l'étiquette que se colle lui-même le groupe, du Blackening Shamanic Metal, influencé par les cultures mystiques et la sorcellerie tribale kenyane. Enfin, c'est génial, tout simplement, tout sobrement. Donc un black metal, forcément, dans les sonorités, la musicalité, très différente de ce qu'on a l'habitude d'écouter, hein, ce black metal, somme toute, assez occidentaux-centré. Donc voilà, nous on classe ça dans le dark, proto-black, ultra raw, c'est assez peu abouti on va dire, mais encore une fois, par rapport à nos oreilles, assez conditionné. Donc c'est pour ça tout l'intérêt, toute l'importance de s'ouvrir à d'autres nations du métal extrême. Et voilà, donc ce split est très généreux, hein, puisque chacun des groupes se pose avec 5 morceaux. Alors on a des titres live, on a des titres inédits qui du coup sont pas encore sortis. Donc c'est vraiment super intéressant ce que nous propose la doublette Overthrust de Chovu sur ce split partagé. Musicalement, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Alors le split s'intitule African Warriors. Enfin, tout est là, l'artwork est vraiment super cool, justement il est hyper tribal, ethnique même, alors avec toute la vision... comment dire, anthropologique qu'on peut en donner. Et juste une petite précision, alors c'est sorti sur un label colombien qui s'appelle Masters of Chaos Production, qui est spécialisé justement dans tous ces groupes qui nous viennent de contrées qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en Europe, donc notamment des groupes africains, des groupes d'Asie du Sud, des groupes d'Amérique du Sud. Donc ça fait vraiment une connexion entre différentes scènes peu représenté en Occident, donc c'est très sympa que ça nous arrive jusque nous, quoi. Et d'ailleurs, en passant, ces groupes africains, on les découvre aussi principalement grâce à une page Facebook qui s'appelle, je crois, African Metal. Tout sobrement. Et en fait, c'est une page qui est hyper dynamique, qui, dès qu'il y a une nouveauté, va balancer une nouveauté, qui organise des tops au like ou juste au nombre d'écoutes, et du coup vous avez un récapitulatif mensuel, et ça brasse pour le coup tout ce qui a trait au heavy metal, que ça soit du coup les parties les plus heavy comme les parties les plus brutales, extrêmes et obscures. Et voilà, j'ai découvert cette page il y a quelques années, le groupe effectivement qui ressort le plus, c'est Overthrust. Exit, encore une fois, les formations sud-africaines telles que Bleeding Spawn, Displeased Disfigurement ou autres Vulvodynia, qui sont pour le coup très occidentalisées, enfin complètement occidentalisées d'ailleurs. Voilà, et sur cette page, c'est ce qui nous permet de découvrir des petites pépites comme on vous diffuse là ce soir. Tout d'abord, Overthrust avec le titre Soul to Feed, et on se fera une doublette du coup avec dans la foulée Chovu avec le morceau Bloodhound Hour. Et du coup, vous aurez des parties forcément chantées en anglais pour Old Chovu et d'autres parties beaucoup plus incantatoires que je soupçonne être chantées en dans un des dialectes du Kenya, parce que c'est pas sûr, bien évidemment, il y a une langue nationale et après il y a des langues selon les régions. Et le micro m'échappe des mains, ça c'est rock. Allez, c'est parti. Overthrust, Chovu, c'est parti. The dust and the power, my God. Petite précision qu'on vous a pas apportée concernant Chovu, c'est une femme à la batterie. Voilà, le bonus dans le bonus. Mais c'est... Retour à la diff dite classique avec l'avant-dernière doublette de ce soir, composée de tout d'abord Hammers of Misfortune. Exactement. Alors entre trois groupes africains et trois groupes venus d'Asie, bah, on fait un petit passage par les US. Avec un groupe qui est donc actif depuis 2000, qui nous propose un heavy thrash prog, rehaussé de claviers plutôt rétro, et qui est mené par une chanteuse, qui a un timbre bah, plutôt versatile, qui peut être aussi bien assez rugueux, ou adopter des lignes plus claires. Et en fait, Hammers of Misfortune, c'est un côté un petit peu un espèce de tourbillon sonore, parce qu'il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, les morceaux en général tournent en 4 minutes, et c'est vraiment ce côté imprévisible, technique. Et c'est notamment bah, marqué par le batteur qui est en fait Blake Anderson, qui a cogné pendant 10 ans dans Vector, donc qui a participé à tous les albums de ce groupe de tech trash américain, bah, vraiment hein, des tout meilleurs du genre de ces 10-15 dernières années. Donc on a un batteur monstrueux qui accompagne bah, des musiciens non moins monstrueux, et ça nous donne vraiment une recette bah, éclectique, plutôt originale, et bah, qui déménage pas mal. Donc ça s'appelle Hammers of Misfortune. Le morceau c'est Dark Brennus et l'album c'est Overtaker, sorti chez Cruz del Sur. Et puis bah, ensuite on enchaînera, on va à nouveau voyager, cette fois du côté de la Chine, retrouver Holy Arrow. C'est vrai qu'on aurait pu faire un troisième chapitre sur du coup la scène asiatique, sauf que bah, pour le coup on va se diffuser deux groupes chinois, donc la Chine est quand même vachement occidentalisée dans le style, cependant il y a un groupe malaisien en clôture. Mais ouais, Holy Arrow, c'était aussi une très chic découverte. Exactement. Alors, c'est un groupe qui a été détecté par un label français, Antique Records, donc qui est allé bah, nous trouver ce one-man band qui est actif depuis 2015. Et en fait, leur dernière sortie, c'est un réenregistrement de leur tout premier album, qui date de 2016, auquel a été ajouté deux morceaux plus récents, sortis début 2022. Donc ça nous permet d'avoir ben, une bonne vue de l'évolution de Holy Arrow, qui en fait nous fait du black épique, assez guerrier, vraiment, je dirais pas du battle metal non plus, mais c'est un peu l'esprit vraiment bah, nous raconter des anciennes légendes de Chine. Que pour le coup on n'a pas l'habitude de voir effectivement dans nos musiques. Hein. Exactement. Alors c'est un petit peu long par moment, mais là le morceau qu'on va s'écouter est vraiment, c'est un titre hyper entraînant, hyper épique, avec des chœurs, enfin c'est vraiment très très chouette. Le morceau s'appelle The Oceanic Expedition, et l'album s'appelle La Légende de Koxinga. Donc, pour le coup, un titre d'album en français. Voilà, peut-être à destination du marché français et francophone. Et donc ça s'appelle Holy Arrow. Et bah juste avant ça, donc on va s'écouter Hammers of Misfortune. Et j'ai pas le titre du morceau avec moi. De Hammers, Ouais. c'est Dark Brennus. Et ben voilà, c'est parti. Customs flow, it's lasting. On approche tranquillement de la clôture de la 500e émission Hellbanger. Voilà, nous sommes dans notre 14e année d'existence. Et on va clôturer l'émission avec la dernière doublette pour ce soir. Dernière doublette relative au thème un peu spécial abordé dans l'émission de ce soir. Hein, les musiques extrêmes venues de contrées géographiques mondiales dont on n'a pas forcément l'habitude d'avoir justement des sources musicales. Sachant que l'idée, c'est que là, ce n'est pas une exception en fait. C'est que ça devienne un petit peu une habitude. C'était une porte d'entrée. Là, par exemple, en off, en exclu, voilà, on a digué des groupes qui nous viennent de Mauritanie, des groupes qui viennent de Nouvelle-Calédonie, pour le coup, c'est assez occidentalisé, mais quand même. De Malaisie. Enfin, voilà, c'est pour vous brosser un peu ce qui vous attend dans les découvertes à venir, histoire de sortir un petit peu de ces scènes un peu confortables que l'on ne connaît que trop bien. Dernière doublette de ce soir, nous restons en Asie et en Asie du Sud-Est avec une autre formation chinoise, Demon Slot 666. Ils ont beau être chinois, du coup assez occidentalisés. Pour le coup, ils nous envoient du gros Rao Revival. Alors, Revival ou pas, en fait, c'est juste que les mecs, ils n'ont pas évolué en presque 40 ans, et même si la formation est récente. Et là, on est sur du gros Black Need Speed Trash. Le groupe s'est formé en 2020. Et bah là, ils viennent de sortir un second EP, un 5 titres, qu'on peut ranger du côté des Japonais de Barbatos ou des Français de Sacrificer ou autres Serbes de Deathhammer. Et nous retrouvons une guitariste en plus dans la formation. Donc là, c'est un superbe tir croisé. Voilà pour Demon Slot 666. Et on s'écoutera le titre Midnight Holocaust. Et puis bah, le nom de l'EP, c'est parfait aussi parce que c'est Necro Slaughter Battlefield. Voilà, Demon Slot a tout compris. Et on clôturera l'émission de ce soir avec un groupe qui nous vient justement de Malaisie. Groupe de grind, death grind, actif depuis une quinzaine d'années, qui vient de sortir son second album studio. Il s'agit de Compulsion to Kill, qui n'avait rien sorti en studio depuis une dizaine d'années. Ouais, en termes de longue durée. Ouais, il y a eu quelques EP et puis toute une ribambelle de split, bah, comme à peu près toujours avec les discos de groupe de grind. Voilà. 22 titres, 24 minutes, on est sur du grindcore raw, bien old school dans l'approche et dans la prod. Et puis voilà, c'est cette furie typique de ce qu'on va appeler l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et on l'espère au fil des mois de découverte également en Afrique subsaharienne. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à toutes. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain pour une autre émission en différé. À tout bientôt. Et on se quitte avec le morceau du coup de Compulsion to Kill. C'est vrai. Sadistic Torment, extrait de l'album Exhumed Carcass of Reality. Allez, ciao, ciao.